Le 13 novembre, le journal d'internet sud-coréen Minjok Ilbon a publié un éditorial sur l'échec général de la politique dite patience stratégique suivie par Obama ces 8 dernières années contre la République populaire démocratique de Corée.